Cartographie des mémoires, Agaris. Bonjour et bienvenue à Garis. Tu es sur la place du Foirail. Si tu te places face au fronton et que tu tournes la tête à gauche, tu vas voir un petit chemin qui longe le fronton et qui passe devant la maison au balcon et volet vert du numéro 158. Vas-y. Tu peux t'asseoir sur le muret si tu veux. Avant de commencer la promenade, je vais te demander de secouer un peu la tête pour vérifier que tes casques tiennent bien en place. Un peu plus fort, personne ne te regarde. Profites-en aussi pour régler le volume de manière à bien entendre ma voix, même si je chuchote, mais sans te couper du monde extérieur. Ça serait dommage. Il y a beaucoup de choses à écouter ici. Tu le sais, c'est une promenade. Ça veut dire qu'on va marcher. Tu as la carte de la promenade avec toi ? Avec la carte, c'est mieux, mais sinon, pas d'inquiétude. Laisse-toi guider par ma voix et les points qui s'affichent sur ton smartphone. Quand nous allons commencer à marcher, tu vas entendre mes pas sur le chemin. Essaye de caler tes pas sur les miens. Ils te donneront le rythme de la promenade. Tu es bien installé ? Alors on peut commencer. Comme on dit à Garis, Itza Itz, la parole est la parole. Cette histoire est réelle parce que je l'ai inventée. Je m'appelle Anna. Mes parents ont disparu à Montevideo en Uruguay en 1982. J'avais tout juste 2 mois quand on m'a confié à ma tante Rosalia. J'ai grandi avec elle, dans cette maison, après un long voyage où nous avions traversé un océan et où Rosalia était devenue Rosalie. Quand j'étais petite, les volets de la maison étaient toujours ouverts. De jour comme de nuit, été comme hiver, Rosalie détestait l'obscurité. Un matin, Rosalie s'est levée et n'a pas ouvert les volets. Elle avait commencé à s'affranchir de tout souvenir et elle l'avait fait avec la même efficacité qu'elle arrachait les mauvaises herbes de son jardin. Avant que la mémoire ne lui fasse complètement défaut, elle s'était rappelée que j'aimais cet endroit parce qu'elle avait écrit mon nom sur son testament. J'héritais de sa maison. Certains des événements que je vais te raconter prennent leur source bien avant ma naissance, mais c'est surtout de l'année 1999 dont j'aimerais te parler. L'année de mon premier EHZ, l'année où Morpheus offrait à Neo le choix entre pilule rouge ou pilule bleue dans Matrix, l'année où j'ai annoncé à Rosalie que je partais. Voici mon histoire racontée de mon mieux. Je reconnais que certains pourraient en avoir d'autres perspectives, mais celle-ci est simplement la mienne et elle commence ici. Oui, dans notre famille, tout a toujours commencé à Garis. Du plus loin que je me souvienne, il y a le son des balles qui tape sur le fronton, l'accent chantant de Rosalie qui s'occupe de son jardin et une forêt de jambes sur la place pendant la foire de Garis. Sur cette place, j'ai appris à faire du vélo, à jouer à la pala, à reconnaître l'est de l'ouest à la façon dont le soleil faisait avancer l'ombre des chaînes séculaires. Plus tard, j'ai appris à conduire et lire des cartes sur les chemins qui bordent le village. Si tu te places juste devant la petite barrière, tu pourras apercevoir au loin le château d'eau. C'était mon territoire de jeu. De là-haut, Garis ressemble à une île, un rocher accroché sur une mer de verre. Regarde, tourne la tête à gauche. Il y a un balcon tout en longueur qui court sur le mur de la maison. C'était mon observatoire. Petite, j'y observais les insectes qui marchaient sur la rambarde et adolescente, j'observais les garçons de mon âge qui jouaient sur le fronton. Ce balcon était pour moi un endroit merveilleux. Pas tout à fait dehors, pas tout à fait dedans. Un entre-deux qui transite entre deux mondes, parfait pour l'adolescente que j'étais. Au mois de juin 1999, après avoir obtenu mon bac, j'ai annoncé à Rosalie que je partais, qu'elle n'aurait à s'occuper de rien, que je travaillerais tout l'été à Porta Alegria pour financer mon voyage. Je venais de lire « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » d'Eduardo Galeano. J'en parlais beaucoup avec mes amis, avec Ion, et je rêvais de partir là-bas. Après tout, j'avais 18 ans et une folle envie d'ailleurs. Maintenant, tu vas te lever et tourner à droite pour te diriger vers la place. Juste en face de toi, il y a un tronc d'arbre sans branches. Tu vas aller jusqu'à lui. Avant, c'était un beau chêne. Les gens et les plantes ont en commun le cours de l'existence. Germination, croissance, maturité, vieillissement, mort. Maintenant, ce qu'il reste du chêne est un refuge pour insectes. Pour moi, c'était une boîte aux lettres. Il y a une cachette à la base du tronc. Tu la vois ? J'y cachais des cailloux de la rivière pour Rosalie. Elle en avait toujours dans sa poche. C'était ma manière de lui dire que je l'aimais. Ma relation avec Rosalie a été comme la rivière, mouvementée, agitée comme l'eau et solide comme la pierre. Quand je lui demandais pourquoi elle gardait toujours une pierre dans sa poche, elle me répondait inlassablement. « Tu sais, Anna, c'est bien de garder quelque chose qui est là depuis longtemps. Savoir que toutes les choses prennent leur forme. Il faut juste être patient. » Tu vois à côté de toi le chemin qui descend ? On va commencer à marcher. Vas-y. En face de toi, avec les volets rouges, c'est Porta Alegria. C'est la dernière auberge qui reste à Garis. Continue de marcher. C'est aussi à Porta Alegria que tout le monde s'était retrouvé après l'enterrement de Rosalie. Il faisait beau. Sandrine et Henri nous avaient installés sur la terrasse et faisaient la navette entre les tables. Pratiquement tout le village était là. Autour de nous, il y avait tout ce que Rosalie avait toujours aimé. Ses amis, les fleurs, le paysage et des chansons. C'était important pour Rosalie de chanter. C'était aussi important pour ses amis de chanter pour lui dire au revoir. Rosalie était une sorcière descendante d'une sorcière. Elle connaissait les plantes qui guérissent le corps. Elle savait reconnaître les signes annonciateurs de pluie dans les nuages et le sens du vent. Et elle avait depuis longtemps prouvé sa capacité à surmonter une difficulté attendue. Certaines plantes peuvent réchapper d'un cataclysme et pousser à nouveau. Rosalie était une de ces plantes. Adolescente, alors que sa sœur pensait à son pays et militait pour un futur meilleur, Rosalie, elle, s'était tournée vers le passé et sa famille. Dans le grenier de la maison familiale à Montevideo, elle avait découvert l'histoire de Sauveur, l'ancêtre parti de Garis. Sauveur devait aller en Argentine, mais avait finalement décidé de s'arrêter en Uruguay. Si seulement il avait pu anticiper le genre de conséquences que sa décision a eues sur notre famille. Mais comment aurait-il pu ? Rosalie avait été fascinée par cette histoire, par ses racines qui couraient à des kilomètres de là. Elle s'était promis qu'elle retournerait sur ses traces à Garis, sans savoir qu'elle répondait secrètement aux vœux que Sauveur avait fait en partant. Celui de revenir un jour au pays, de s'allonger dans l'herbe de ce champ, de marcher sur ce chemin qui monte au village. Le voyage de Rosalie avait d'abord été repoussé par la dictature de Bordaberry, mais la disparition de sa sœur et mon arrivée dans sa vie avaient précipité sa décision. Près d'un siècle après le départ de Sauveur, Rosalie revenait à Garis avec moi, toute petite dans les bras. Dans la maison de Montevideo, elle avait regardé tant de photos de Garis qu'en marchant sur ce chemin, elle avait l'impression de retrouver ses paysages comme on retrouve un vieil ami. Ça va ? Alors, ici, attention, ne te fais pas surprendre parce que parfois, il y a le chien d'un voisin qui aboie. Mais il n'est pas méchant, il protège juste son territoire. En haut de la côte, tu vas t'arrêter devant la première maison à gauche. C'est Jourdenia, au numéro 50.